Tous les matins, les faits que nous attendent, dans la cour j'ai tout éteint. Irréversible est la veste, le pétard de la veille me fait tousser à toute patate. Je me fais courser donc j'ai tout jeté par terre, j'ai laissé le 357 sous le matelas. J'ai tout éteint, regarde mon cœur bat sous les bruits des bas. Vie de trafiquanté, maman n'est pas contente, je suis dans la ville, la zone est alimentée. Tout est droit, fleurie de trois, le frérot veut des mandats. 22-22, y'a les bleus et go, j'ai dû m'en aller. Ouais. Vroom, vroom, j'suis dans le café, qu'à temps l'aller. Ouais. 96h, les poucas sont déjà en soirée. Maintenant la nuit, le jour, les cavaliers. Karachi vont pas avaler. Sauvage dans cage d'escalier. Serein devant les cages, mec de cité, veut faire que des billets. Bébé, j'ai dû t'oublier. 2-3 voyous dans le bio. Mon pénable il fait que de sonner. Sa mère si demain je la mets enceinte, je sais pas si je vais rester ou me sauver. Et ma quicheta elle est plastifiée. Elle traîne dans ma sacoche avec mes clopes. Eux c'est des traîtres, il faut pas s'y fier. Ça se voit dans son regard qui peut donner ses potes. Je me tais, j'observe, regarde comment ils sont. Si ça me va pas, je me taille, j'ai une mission. 2h du mat, petite brune, cheveux lissés. Je lui mets sa part dans toutes les positions. Oh. Depuis le départ on est gang, nous. Depuis petit dans les problèmes, ouais. Les années passent et les payes double. J'irai pas seul à l'hôtel, ouais. Dans un 5 étoiles j'ai réfléchi mieux. J'ai fumé la conce, j'ai les petits yeux, ouais. De tard par mensonge j'en ai quitté vite. Je repars en concert avec l'équipe. Sa détaille son pointe chiffre. Ça trahit pour du tosma. Plaquer des sommes pour des raclis. Je préfère donner au clochard. 2-3 voyous dans le bio. Attends je resserre un autre client. Les snitchs se font shooter. Ici les snitchs se font shooter. 96 sans dire de non. On est gang depuis le départ, nous. Hors de question qu'on pénale. Les poches t'as rattrapé dans le four. C'est de la patate qu'on pédale. La monnaie, la monnaie, la monnaie. La monnaie, la monnaie, la monnaie.